open. Wide open. I'm here. Got no sun, no poison. I'm feeling great. Break. alors que nous retrouvons doucement nos pieds, alors que soudain sous nos appuis jaillit le sol, je me regarde perdre la tête à tous les égards. Fini la fête, fini la fête. Cherche la prochaine tonalité. It seems it's gonna be deep for me, Whitey. Thank you. ça. Le temps trouve un peu de quoi. Reste sur ça. Le temps de trouver un peu quoi. The drama in the room. Just say hi. In the room, Dennis, we just say hi.

alors pourquoi tu te tues? Les choses me reviennent encore et encore. Cette histoire. Cette histoire. Too late. Wait. the thing. Remember that it's what you never do. Si jamais ça veut dire qu'il n'a pas le ou alors s'il n'a pas de you're welcome. from UK. My heart is true, no matter where. Bye. Thank you. Bob and Fred. So sassy. Garden.